Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la famille Carter, la famille royale de la musique country. La musique de la famille Carter, c'est celle que Elvis, quand il était petit gars, à Tupelo, Mississippi, entendait sur la vieille radio dans la cabane de son père. Et c'est la musique que Bob Dylan entendra plus tard. C'est la famille royale, comme dit si bien une biographie sur les grands artistes de la musique enracinée. La famille Carter, c'est la famille royale, celle dont on ne peut dire que du bien, celle qui a fait tous les grands succès, celle qui a fait les mythes contemporains de la musique nord-américaine. L'animateur Robert Guiscudi, à l'émission La Saga des Amériques, diffusée en 1984, c'est un extrait de l'épisode consacré à la famille Carter que vous venez d'entendre. L'histoire de la famille Carter, elle est intimement liée à l'histoire de la musique américaine au 20e siècle et à la naissance de ce qu'on pourrait appeler la musique country commerciale. Entre la fin des années 20 et le début des années 40, c'est plus de 300 titres que va enregistrer la célèbre famille Carter. I understand that your mom used to teach you songs. J'ai compris que c'est votre mère qui vous apprenait des chansons anciennes qui racontent des histoires. Vous souvenez-vous de celles qu'elle a chantées avec vous? Do you remember any of the ones that your mom would sing with you? I remember all of them. Je me souviens de toutes ces chansons. Maman avait l'habitude de chanter toutes les vieilles chansons de l'ancien temps. Et elle chantait très bien et toujours a cappella. Plusieurs de ces chansons étaient vraiment tristes. Elle chantait entre autres Bury Me Beneath the Willow. C'est l'histoire d'une fille qui est sur le point de se marier et que son petit ami abandonne devant l'hôtel. Elle en est morte, par suicide, je suppose. So she died, of course. She killed herself, I suppose. So there was, it says, bury me beneath the willow, under the weeping willow tree, where he may know where I am sleeping, and perhaps he'll weep for me. So anyway, there's more to it, but anyway, it was about her. Thinking he, you know, today was our wedding day, but where, oh, where can he be? He's gone to seek him another bride. He cares no more for me. And then it goes, are you crying? Oh, bury me beneath the willow, under the weeping willow tree, where he may know where I am sleeping, and perhaps he'll weep for me. Je crois que je ferais mieux d'arrêter avant que vous vous noyiez dans vos larmes et que nous ne puissions pas terminer l'émission. So I better hush before you cry yourself to death and we can't finish the show. L'animateur Stephen Colbert, qui est ému aux larmes quand Dolly Parton lui chante a cappella, une vieille chanson traditionnelle popularisée par la famille Carter à son émission en octobre 2020. Pour nous parler de l'importance immense qu'a eu la famille Carter dans l'histoire de la musique country, je reçois Olivier Lalande, ancien journaliste musical et maintenant édimestre d'Aujourd'hui l'Histoire. Olivier Lalande, bonjour. Bonjour Jacques. Bienvenue chez vous, Olivier Lalande. Parlons de la famille Carter. Robert Guiscudi déjà évoquait cette étiquette, cette expression de famille royale. Pourquoi est-ce qu'on a appelé cette famille, la famille Carter, la famille royale de la musique country? Parce qu'elle en a été l'une des premières vraies grandes vedettes. Elle est arrivée alors que la musique country était naissante, alors que l'industrie du disque était naissante, et elle a vraiment construit le répertoire et dessiné les contours de la musique country en enregistrant donc environ 300 chansons de 1927 à 1943. Elle est devenue comme ça le deuxième artiste le plus populaire des années 1930 aux États-Unis, derrière Jimmy Rogers, qui a été découvert exactement en même temps. Et c'était la décennie de la crise, et les Américains, surtout dans les campagnes, étaient nombreux à se déraciner pour chercher du travail. Donc, et on sait à quel point la famille est importante chez les Américains. Donc, la famille Carter a incarné cette figure-là en chanson à un moment où ils en avaient bien besoin. C'est une famille qui est devenue une dynastie musicale quand leurs enfants ont pris la relève après la séparation de ce qu'on a appelé la famille Carter originale en 1943. Et aussi parce que dans cette deuxième génération-là, on a retrouvé par alliance Johnny Cash, puisqu'il a épousé une Carter, June. Mais je pense que c'est surtout en raison de leur influence déterminante qu'on parle de la famille Carter en ces termes-là. C'est vraiment un chaînon manquant. On parle souvent d'Elvis, de Johnny Cash, de Hank Williams comme des pères fondateurs de la musique populaire, mais qu'est-ce que ces gens-là écoutaient quand ils étaient petits? La famille Carter. The also may be. side, always on the sunny side. Keep on the sunny side of life. It will help us every day, it will brighten all our way if we keep on the sunny side of life. Ce qu'on vient d'entendre, ce qu'on entend en fait, cette chanson, Keep on the Sunny Side, c'est probablement l'une des plus connues, l'une des plus représentatives des chansons de la famille Carter. C'est très représentative de la musique de la famille Carter, ce qu'on vient d'entendre. Comment décrire cette musique-là, la musique des Carter, Olivier Lalande? Comparé à la musique d'aujourd'hui, c'est évidemment très élémentaire. Pendant ses 16 ans d'activité, la famille Carter s'en tient à seulement une guitare, parfois deux, une auto-harpe et à l'avant-plan, trois magnifiques voix, et c'est tout. À cette époque-là, évidemment, on ne parle pas de musique country, mais bien de musique hillbilly ou old-time. Donc, c'est essentiellement la musique folklorique américaine qui est cantonnée dans des répertoires régionaux. La famille Carter prend cette musique-là, prend une musique folklorique et elle l'amène dans la sphère populaire. Et un de ses éléments les plus distinctifs, c'est vraiment le jeu de guitare de Mabel Carter, ouais, qui est une jeune virtuose, qui est vraiment une des premières héroïnes de la guitare du 20e siècle. Avant qu'elle arrive, c'est d'ailleurs pas un instrument qui est si répandu que ça. Chez les Hillbillies, jusqu'à ce moment-là, jusqu'à Mabel Carter, on préfère généralement le banjo ou le violon. Donc, Mabel Carter a, entre autres, contribué à populariser cet instrument-là qui, comme on le sait, est devenu central dans la musique populaire. Parlons un petit peu des textes, de ce que chantent les Carter. Comment décrire le répertoire quand on parle des textes là, des Carter? Ben, c'est généralement des choses pas jojo, il faut se le dire. C'est des choses qui témoignent de la vie dure en région rurale il y a 100 ans. Et c'est une des raisons, d'ailleurs, du succès de la famille Carter, c'est qu'elle chante des choses que l'Amérique rurale connaît de près. Donc, la religion, la pauvreté, l'attachement au terroir et tous les drames qui vont avec la vie dans les campagnes au début du 20e siècle. La faim, la maladie, l'abandon, la mort, donc toutes ces belles choses. Et c'est d'ailleurs un facteur décisif dans la mise sous contrat de la famille Carter en 1927, les gens chez Victor trouvaient que la famille Carter avait de bonnes histoires à raconter et ils misaient là-dessus pour vendre des disques. Qui plus est, la famille Carter chante avec un fort accent de la Virginie, elle yodèle à l'occasion, donc c'est vraiment une musique dans laquelle l'Amérique rurale peut se reconnaître. Bon, la composition de cette famille-là, vous l'avez un peu évoqué, elle va évoluer au fil du temps, mais au départ, qui compose cette famille, la première famille Carter? C'est trois personnes. C'est un couple formé d'Alvin Pleasant Carter, dit A.P. Carter, et de Sarah Carter, et avec eux, Mabel Carter, qui est la jeune cousine de Sarah, mais aussi la belle-sœur d'A.P., puisqu'elle a épousé son frère. Et ils viennent tous les trois des montagnes du sud-ouest de la Virginie, dans des communautés où la musique est extrêmement importante. A.P. et Sarah sont nés dans les années 1890, donc avant l'arrivée de la radio et du phonographe, et la passion de la musique, à ce moment-là, se vit à l'église. Avant même de se marier, les deux se distinguent dans des chœurs d'église. A.P. est reconnu pour sa voix de basse, Sarah pour son contralto au registre large, et on réclame leur présence dans les compétitions régionales de chant, qui attirent plusieurs centaines de personnes. Et donc, tout commence pour eux en 1927. Le couple Carter est marié à ce moment-là depuis 12 ans, donc ce ne sont plus de jeunes amants. Ils vivent à Mesa Springs, un petit village au pied du mont Clinch, et ils ont trois jeunes enfants. Et puis, Carter est un vendeur itinérant d'arbres à fruits. C'est un homme qui a fait 36 métiers, mais rien ne lui réussit trop. Il est perpétuellement distrait, égaré, brouillon, presque erratique, et il est connu pour entreprendre des projets qu'il ne termine pas. Et il est connu aussi pour ce tremblement dont il est atteint depuis l'enfance et qu'on entend aussi dans sa voix lorsqu'il chante. Oui. Et dans la maison des Carter, lorsque les travaux sont terminés, on fait de la musique. Sarah sort sa auto-harpe et puis sort son violon. Et les voisins et les amis et la famille se joignent à eux. Et Sarah a développé une chimie particulière avec sa jeune cousine de 11 ans, sa cadette, Mabel. Et lorsqu'elles chantent ensemble, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Mabel, c'est une naturelle, c'est une virtuose. Elle a remporté des compétitions de banjo quand elle était jeune. Elle joue dans les danses depuis qu'elle a 13 ans. Et elle a développé à la guitare une technique particulière de son cru, inspirée par sa technique de banjo. Donc, elle joue la mélodie sur les cordes graves et elle joue simultanément le rythme sur les cordes les plus aiguës. Et donc, elle joue comme ça les partitions de deux musiciens en même temps. Et la chimie entre elle et Sarah est telle que le duo se met à donner des concerts payants à l'école du village. Et ce jeu-là, en fait, le jeu de particulier de Maybelle à la guitare, c'est ce qu'on va appeler le Carter Scratch. En août 1927, les Carter rencontrent Ralph Peer. Cette rencontre-là va changer leur vie, Olivier Lalande. Pourquoi? Ralph Peer est un producteur bien connu pour la compagnie de disques Victor. C'est un homme qui n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt pour la musique hillbilly, sauf qu'au milieu des années 20, l'industrie du disque voit ses ventes fortement diminuer en raison de l'arrivée de la radio. Donc, les producteurs se tournent vers les musiques spécialisées qui s'adressent à des communautés spécifiques pour essayer de renverser la tendance. On mise sur les musiques ethniques, donc les chœurs roumains, la musique juive, le blues, le gospel noir et la musique hillbilly. Se développent tous à ce moment-là. Et donc, à l'été 1927, le bruit court que Ralph Peer va passer des auditions à Bristol, dans l'État du Tennessee. Le bruit court qui compte payer $50 par chanson enregistrée. Et c'est ça qui va donner lieu à ce qu'on va appeler les sessions de Bristol. C'est vraiment un événement fondateur de la musique populaire moderne et rien de moins que le Big Bang de la musique country. Et c'est la raison pour laquelle le Tennessee aujourd'hui se qualifie de berceau de la musique country, en fait, à cause de cet événement-là. Et puis, entend parler de la visite imminente de M. Carter et il a des étoiles dans les yeux. Il veut que Sarah et Maybelle passent une audition. Donc, il convainc son frère de lui prêter sa voiture et sa femme, Maybelle, qui est à ce moment-là enceinte de 8 mois, et convainc aussi Sarah, qui croit pas vraiment à ce projet-là, mais finalement, donc, tout le monde s'en va, comme ça, un beau soir de juillet 1927, et en partant, il s'en fout de très peu pour que le trio oublie la guitare de Maybelle. Et à ce moment-là, on n'a ni répété, ni convenu des chansons qu'on va jouer en audition. Pour vous donner un aperçu de ce qui se passe à Bristol à ce moment-là, le 1er août, Ralph Peer reçoit la visite de la famille Carter et le lendemain, il reçoit Jimmy Rogers. Donc, en 2 jours seulement, il vient de trouver les 2 plus grandes vedettes de la musique populaire américaine des années 30. Huh. Donc, Ralph Peer est impressionné par la famille Carter. Le fait que ce soit des femmes qui chantent le fait hésiter, mais il enregistre quand même avec eux 4 chansons et il leur demande de revenir le lendemain pour en enregistrer 2 autres. Et lors de cette deuxième session-là, Epi ne se présente même pas avec Sarah et Maybelle, et c'est annonciateur de ce qui va suivre pour le groupe. On l'a dit, Epi est erratique, imprévisible. Alors, il dirige le groupe depuis les coulisses, il est en quelque sorte le directeur musical, mais il disparaît souvent, oui. Même en concert des fois. Des fois, il est là, d'autres non. Donc, les mois passent, le trio ne sait pas trop ce qui va advenir de ce qu'ils ont fait à Bristol. Victor lance un premier 78 tours à l'automne 1927 qui est bien reçu, mais qui ne fait pas trop de vagues. Et puis, quelques mois plus tard, au début 1928, il y a un autre 78 tours qui paraît. Et cette fois-ci, c'est vraiment un premier vrai succès avec en face A, The Storms Are on the Ocean et en face B, Single Girl, Married Girl. Single girl, single girl. Cette chanson, vous le disiez, Olivier Lalande, Single Girl, Married Girl, c'est le premier grand succès, vrai succès de la famille Carter. Il y en aura évidemment bien d'autres après. Profitons-en pour parler justement un petit peu du répertoire des Carter. Comment se caractérise ce répertoire-là? C'est un mélange de chansons traditionnelles et de créations originales qui puisent à des sources très diversifiées. Au départ, la famille Carter enregistre des chansons appalachiennes traditionnelles qui sont jouées dans la famille ou dans le voisinage depuis des générations. Ralph Peer en veut plus, mais il veut aussi pouvoir faire du profit en redevance. Donc, il cherche des chansons originales et pas juste des chansons du domaine public. Une chanson originale, à ce moment-là, ça peut simplement être une chanson traditionnelle dont on a changé des mots ou une mélodie. Et il se trouve que la musique appalachienne, c'est justement ça. C'est des chansons transmises oralement de génération en génération. Et chaque génération y ajoute ou en retranche un couplet. Donc, Epi Carter dit « pas de problème ». Et le groupe développe vraiment sa signature en retravaillant des chansons traditionnelles. Donc, ils enlèvent des couplets, ils réécrivent des passages et ils font en sorte que les chansons ne dépassent pas 3 minutes, qui est environ le temps limite d'une face de 78 tours. Ouais. Et Epi insiste pour qu'après chaque refrain, Maybelle joue un thème musical, une petite mélodie qui soit accrocheuse et facilement reconnaissable. À travers tout ça, il y a également des compositions originales, donc c'est pas toujours évident de distinguer les reprises des compositions dans le répertoire des Carter. On peut dire tout de même que Single Girl, Married Girl, qu'on vient tout juste d'entendre, est une chanson que la mère d'A.P. Carter chantait à la maison quand A.P. était petit. C'est une complainte sur le fardeau qui incombe aux femmes une fois qu'elles sont mariées, et certains disent que cette chanson-là rallie les femmes à la famille Carter dès le départ et explique en partie le succès du groupe. Ouais. Keep on the Sunny Side, qu'on entendait un peu auparavant, A.P. l'aurait apprise d'un oncle, et aussi, enfin, il y a des chansons, dans celles qui sont enregistrées en 1927, qui ont carrément été retracées jusqu'au premier colon venu d'Écosse. Et il y a Wildwood Flower aussi, qui était le plus grand succès, en fait, des Carter, qui est une chanson de 1860, dont les paroles ont été changées, qui s'appelait I'll Twine Mid the Ringlets, et bon, elle a simplement été réécrite. The rose is so red and the lily so fair, and the myrtle's bright with the emerald dew, the pale and the leader and eyes look like blue. Cette chanson, Wildwood Flower, elle est enregistrée en 1928 et c'est peut-être donc le plus grand succès de la famille Carter. Est-ce que ces années-là, fin des années 20, début des années 30, est-ce qu'on peut dire que c'est l'âge d'or de la famille Carter, Olivier Lalande? Oui, en fait, jusqu'en 1933, ce sont vraiment les années fastes. En 1930, le groupe a déjà vendu 750 000 disques et le style de Mabel Carter est largement copié à travers les États-Unis. Il y a seulement Jimmy Rogers, à ce moment-là, qui connaît plus de succès que la famille Carter. Évidemment, pour les Carter, c'est tout un changement parce qu'ils ont connu des années de pauvreté. Malheureusement, le succès vient évidemment avec son lot de problèmes. Puisque A.P. Carter est vraiment le stéréotype du personnage de film qui devient obsédé par sa quête au point d'en négliger ses proches. Et c'est ce qui va causer l'éclatement de son foyer. Donc, A.P. Carter est constamment parti pour aller chasser des chansons, il est parfois parti pendant plusieurs semaines, et il oublie de laisser à sa femme de quoi subsister pendant ce temps-là. Et puis, finit par se rendre compte de la position difficile dans laquelle il laisse sa famille. Donc, il a un jour l'idée de demander à son cousin, nommé Coy Bayes, de s'occuper de Sarah pendant son absence, en l'aidant, par exemple, aux travaux de la ferme. Évidemment, ce qui devait arriver arrive. Sarah se sent seule. Ouais. Elle passe beaucoup de temps avec Coy Bayes. Donc, après un bout de temps, le bruit commence à courir que Sarah et Coy seraient devenus amants. Et puis, finit par l'apprendre. Et en 1933, la fracture survient. Et puis, Carter est un homme extrêmement pieux et l'adultère est pour lui un péché impardonnable. Alors, il entre dans une grande colère et il jette Sarah dehors et lui interdit de revenir. Coy et sa famille sont forcés de quitter le village, Sarah aussi, donc ils cessent de se voir. Sarah doit laisser derrière elle ses enfants qui restent avec A.P. Donc, la famille Carter n'est vraiment plus la même à partir de 1933. Sarah refuse même d'envisager de nouvelles sessions de studio avec la famille Carter. Il faut donc, pour lui faire changer d'avis, l'intervention de la femme de Ralph Peer, qui va finalement convaincre Sarah de rester. Et Sarah n'accepte pour une seule raison seulement, c'est l'argent. Ouais. Elle réalise qu'elle et A.P. ont mis leurs enfants dans une situation difficile. Et elle se dit que si elle ne peut plus leur donner une vie de famille, au moins elle va leur procurer un confort matériel. Et en 1933, ce n'est déjà plus chose facile d'avoir le confort matériel. La crise, donc, a frappé. Les ventes de disques sont en chute libre. La famille Carter fait partie des privilégiés dans lesquels on continue d'investir parce qu'ils ont du succès, mais leur contrat de disques est renégocié, disons, à leur désavantage. Et le groupe va encore faire connaître des épisodes de pauvreté par la suite. Ouais. Et voilà. Mais en 1938, en fait, ce qui va un peu les sauver, c'est la radio. Et à ce moment-là, la carrière des Carter prend un nouveau départ, un nouveau tournant en tout cas. Pretty fine, folks, and I believe that'll bring back memories to many one listening in when they left home and mother's love and care. Well, she still loves you if she's alive, and if she doesn't, why, she wants to meet you on the other shore. Now here's the three little Carter sisters, Helen, June, and Anita, and they're 6, 10, and 12 years of age, and they're just about to break forth in song. And what's it going to be? In the highways. In the highways, and you can join in with them. In the highways, in the hedges, in the highways, in the hedges, in the highways, in the hedges. Les filles Carter que vous entendiez, Ellen, June et Anita à la radio en 1939. Parlez-nous un petit peu de la tournure que prend la carrière de la famille Carter à partir de la fin des années 30, Olivier Lalande. Oui, 1938, AP, Sarah et Maybell se font offrir $75 chacun par semaine et de très bonnes conditions pour chanter chaque jour des chansons à la radio. C'est vraiment pour eux la perspective d'un peu de stabilité et d'une vie plus simple pour tout le monde. Donc, Xéra, la station qui les engage, n'est pas n'importe quelle station. C'est donc Xéra, X-E-R-A, une station donc, qui se trouve à la frontière des États-Unis et du Mexique. Et elle appartient au docteur John Romulus Brinkley, qui est un charlatan du Texas, qui a fait une fortune avec un traitement bidon contre la dysfonction érectile. Et donc, le docteur Brinkley a acheté une station de radio du côté mexicain avec un émetteur tellement puissant qu'il peut diffuser à travers tous les États-Unis sans devoir respecter les normes de radiodiffusion américaine. Donc, c'est comme ça que la famille Carter fait son entrée à la radio deux fois par jour et leur émission est ensuite imprimée sur disque vinyle pour pouvoir être rediffusée en syndication. C'est vraiment un rendez-vous culturel extrêmement important. Partout aux États-Unis, à ce moment-là, on écoute chaque jour The Good Neighbor Get Together. Et un soir de 1939, Sarah utilise l'antenne pour dédier une chanson à son ancien amant, Coy Bays, qui entend le message et qui court la rejoindre pour l'épouser. Et à partir de 1939, les enfants de la famille Carter sont invités à y participer. Donc, c'est comme ça qu'Hélène, Anita et June Carter font leur entrée officiellement au sein de la famille Carter. Et de fait, elle va évoluer, cette famille. Puis la nouvelle famille Carter, ce sera ça. Ce sera Maybell, les enfants, et la première disparaît. AP n'est plus là, son ex non plus. Qu'est-ce qui reste de tout ça? Vous disiez, c'est vraiment les Carter. On revient au début de l'émission. La famille royale de la musique country, un héritage extraordinairement important dans ce que va devenir la musique dans ce pays que sont les États-Unis. Quel héritage ils nous laissent dans la culture populaire américaine? On peut dire qu'il y a d'abord tout ce que la famille Carter a fait après les années 40 qui a été déterminant pour la suite de la musique. Ils ont notamment découvert Chet Atkins. Ils ont notamment recueilli donc, dans leur famille Johnny Cash. Mais ensuite, donc, il y a tout ce répertoire qu'ils ont laissé derrière eux, qui est un répertoire d'une grande importance. C'est d'une grande beauté. Il faut le découvrir pour comprendre l'évolution de la musique populaire, découvrir des façons de jouer et de chanter qui ont disparu et pour se rappeler aussi que tout n'a pas été inventé dans l'après-guerre. Pour moi, c'est vraiment un maillon de la chaîne musicale qui est aussi important que les Beatles ont pu l'être. Olivier Lalande, ex-journaliste musical et dimestre d'Aujourd'hui l'Histoire, c'était un bonheur de vous entendre à ce micro. Merci beaucoup, Olivier. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine. Oh, you told me once, dear, that...